suis assis près d'un piano. C'est un moment entre l'hiver et l'été. Mes doigts s'effacent comme des pattes moites au bout de mon clavier. Il y a du bruit autour de moi et des voix en anglais glissent dans les bars. Une guitare discrète swing nonchalante dans un coin du studio. Et mon cœur retrouve le tien. Un avion invisible décolle. Aveugle imbécile de ce coin d'Amérique, il emporte vers toi une chanson. N'existe que pour toi. Je suis assis près d'un piano. C'est un moment entre le jour et la nuit. La fatigue a transformé la guitare en vieille fanfare ivre. Dans ce pays où tu n'es pas, je ne sais plus ni le mois ni la saison. Je veux faire ma nuit dans un motel, comme dans les romans noirs. Et mon cœur retrouve le tien. Un bateau doucement balance, lourd et trop fragile dans ce port d'Amérique, chargé pour toi. N'existe que pour toi. Et mon cœur retrouve le tien. Un bateau doucement balance, lourd et trop fragile dans ce port d'Amérique, chargé pour toi.